très appris, c'est la tienne de la terre, je l'ai très appris. Nous vivons sous la rue, puisque je la tiens, je la tiens, je la tiens, je la tiens, je la tiens.